Julia ne se lève pas, mais sa chambre est allumée. Elle écoute des voix d'encre couchées sur le papier. Les personnages s'activent vers une destinée tracée. La sienne est évasive, elle aime se raconter des histoires à propos d'un chauve ou d'un noir, des cyclopes à menton dans les bars, de Roméo en contrôleur de gare, d'un lutin qui jouerait de la contrebasse, et on lui dirait à toi le lutin, t'as l'air classe. Et si tu m'apprenais le tango? Marie, elle ne bouge pas, attablée seule dans ce club, à boire de la tequila, elle fait partie des meubles. Les gens triviaux vont danser sur des rythmes barbares, enrobés de fumée, sur une piste aux allures très bizarres, peuplée d'hommes de la préhistoire, de zombies se trouvant là par hasard. Les reines sorties sans roi du placard. Elle rêve d'un lutin qui jouerait de la contrebasse. Et on lui dirait, à toi le lutin, t'as l'air classe. Et si tu m'apprenais le tango? Cédric au cinéma voit s'éteindre les lumières. Il écoute les pas, seul immobile comme une pierre. De tous ses yeux qui brillent dans le noir pour l'observer, il rêve de ce d'une fille, voudrait y voir son reflet en miroir. Se prendre pour un Picasso de trottoir, ou un corbeau dans son habit noir. Attraper rien qu'au lasso un lézard, et un lutin qui jouerait de la contrebasse. Et on lui dirait, à toi le lutin, t'as l'air classe. Et si tu m'apprenais le tango? Et si tu m'apprenais le tango? Si tu m'apprenais le tango des lutins?